Et notre corps, l'étoile, qui nous mène à des paysages de météores et d'étincelles, heureux captif de tes rivages, pour que tu m'accompagnes sur des vagues qui furieuses résonnent pour les braves. Lis les toi mes exploits, le pain qui jamais ne te manquera, les enfants que Dieu permettra, les poèmes de nouveaux prophètes. Et nous entrelacerons nos destins contre les cyclopes et les furies, scribes pèlerins de sentiments. Cyclopes et les furies, scribes pèlerins de sentiments et de siècles. Fragile, peut-être immortel, avec des étreintes qui sont miennes, dans des auberges et des portails, dans des châteaux et des masures. Dans des masures. Fragile, peut-être immortel, avec des étreintes qui sont miennes, dans des auberges et des portails, dans des châteaux.